Book 2 96 96 Conjonction 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. Je me lève dès que le réveil sonne. Je me lève dès que le réveil sonne. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Je me fatigue dès que je dois étudier. Je me fatigue dès que je dois étudier. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans. J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans. متى أنت ستتصل؟ Quand appellerez-vous? Quand appellerez-vous? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Dès que j'aurai le temps. Dès que j'aurai le temps. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Il appelle dès qu'il a le temps. Il appelle dès qu'il a le temps. إلى متى سوف تشتغل؟ Combien de temps travaillerez-vous؟ Combien de temps travaillerez-vous؟ سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Je travaillerai aussi longtemps que je le peux. Je travaillerai aussi longtemps que je le peux. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé. Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Il reste au lit au lieu de travailler. Il reste au lit au lieu de travailler. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine. Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison. Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Autant que je le sache, il habite ici. Autant que je le sache, il habite ici. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Autant que je le sache, sa femme est malade. Autant que je le sache, sa femme est malade. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Autant que je le sache, il est au chômage. Autant que je le sache, il est au chômage. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure. Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure. Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure.